بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما هو الكلام؟ اللفظ المركب، اللفظ المركب المفيد للورق. اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما معنى اللفظ؟ اللفظ النطق باللسان، يعني صوت بالحروف الهجرية، صوت مشتمل، مشتمل بالحروف الهجائية، هجائية للاتخ، يعني عرب. ça veut dire quoi مركب؟ composé. c'est minimum deux. Et ما معنى مفيد؟ أن يكون مفيدا. إذا نقف الجملة يعني سأرتج سأزود شيئا. تيحتاج للمزيد. نعم. أن يحصل سكوت المتكلم. والوضع. الوضع هي اللغة العربية. Et c'est quoi كم أجزاء الكلام؟ كلام يتكون من كم من شوز؟ ما هي؟ اسم وفعل وحرف جعل معنى. نعم. طيب، الآن سنواصل. كما ذكرنا، بعد ما أخذنا أجزاء الكلام، دوكوس كوبوز الكلام، أخذنا الاسم وتعريفه، أخذنا الفعل وتعريفه، وأخذنا الحرف وتعريفه. فالآن علينا نميز بين هذه الأشياء ثلاثة. كيس كان اسم؟ كيف تعلم أنه اسم؟ كما تسيك سيكون سيكون فعل؟ كما تسيك سيكون سيكون حرف؟ يجوز بالتمييز أو كل شوز. فالآن سيكون علامات كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة. قال علامات الاسم، سين دو اسم. قال المصنف في المتن: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول ألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. هذا هو المتن. كل اسم reconnaît par le khafd, يعني le jar, le tanwin, que l, alif wa lam qui rentre dessus, et que également il accepte huruf al jar, huruf al khafd. Quand on dit khafd ou jar, c'est pareil, puisque le khafd c'est un ta'bir des koufiyin et le jar c'est un ta'bir des basriyin, les deux principaux madhhab qu'il y a dans la langue arabe. قال في الشرح: اي parmi les حروف الجر عفوا هي aussi les حروف القسم c'est par lesquels tu jures كالواو والباء والتاء سيذكرها ان شاء الله. قال في الشرح: لما فرغ المصنف من ذكر اقسام الكلام شرع في بيان علامات كل قسم. Donc après que le مؤلف a cité les accents du kalam, maintenant il va citer les علامات de chacun d'entre eux. فبدأ بالاسم وذكر له أربع علامات. فإذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها اسم. من هذه العلامات كي بسيتي pour le اسم c'était 4, à savoir qu'il y en a bien plus que cela. Là ce sont les quatre principales plus connues, il y en a d'autres. Si tu vois une كلمة dans lesquelles rentre un de ces 4 qu'on va citer maintenant ou qu'elle accepte un de ces 4, هذا اسم. أحدها الخفض، وهو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل. Donc الخفض qu'on appelle le jar, c'est la kasra qui a été provoquée par un عامل, une chose qui rentre dans le ism, comme حرف جار, comme un مضاف ou غير ذلك, qui fait qu'à la fin du ism il y a une kasra, ou ce qui peut remplacer la kasra. Il y a des choses qui remplacent la kasra. C'est ça le خفض ou le jar. نحو بسم الله الرحمن الرحيم، فكل من اسم والله والرحمن والرحيم أسماء لوجود الكسرة في آخرها كفي البسملة ضل بسملة كم تشوف ولا لفظ جلالة أولا كلمة اسم يكوى لفة هنا كسرة لفظ جلالة الله كسرة الرحمن والرحيم هذا يدلك أن هذا تصير اسم شكل السمود الكلمة اسم ولفظ جلالة الله والرحمن والرحيم أسمى الثانية التنوين وهو عبارة عن ضمتين أو فتحتين وكسرتين نحو قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية Donc là, tanwin, comme l'auteur l'explique, ça va être deux dhamma, ou deux kasra, ou deux fatha. Je prononce un, ou in, ou an. Wal mansub, tanwin fatha, fi kathir min al-ahwal yati bi alif, bien qu'un alif. وهذا الألف يسمى ألف العماد. C'est un support pour le tanwin fatha. فهنا كان في الآية كما في الآية il dit وجوه يومئذ خاشعة. Donc on voit que وجوه هذا اسم. لماذا؟ تنوين يومئذ تنوين كسرة يومئذ c'est un اسم خاشعة كثرة تنوين ضمة عاملة وتنوين ضمة عاملة ناصبة كذلك ونار نار تنوين فتحة نقصان اسم حامية على اسم عين هذا اسم آنية tous ces كلمات sont des أسماء لماذا لوجود التنوين في آخرها Ça, c'est la deuxième alama, tanwin. Thalitha, dukhul, alif wal lam. Wa yu'abbaru anhuma bi'al. On dit al ou alif wal lam. Le plus courant, c'est al. C'est-à-dire que le hamzat al-wasl avec le al. Hadha la yadkhul illa fil asma. Ça rentre dans l'asma. Nahuqu lillahi ta'ala ar-rahman ala arash istawa. فكل من الرحمن والعرش اسمان لدخول ال عليهما dans le verset الرحمن il y a quoi qui est entré dans الرحمن ال donc c'est un اسم العرش دخل عليه ال donc c'est un اسم الرابعة حروف الخفض ونبي également حروف الجر ويا من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام فهذه حروف خاصة بالأسماء ces حروف حرف الجر ne rentrent que dans les أسماء tu vois un de ces حرف et après ce حرف il y a une كلمة qui vient هذه كلمة c'est quoi اسم quel حروف Ces hurufs-là ne rentrent que dans les asma, pas dans les af'al, et pas dans les hurufs, كذلك. فلا تدخلوا إلا عليها نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم تكفوا شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وضع الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم que tu retiens ton mal sur les gens ce serait une sadaka de toi pour eux. Donc là, il shahid. Takuffu sharraka an annas. Et là, il shahid. Non, an, après, il y a nas. La tambih. On a an. Takuffu sharraka an innas. An, c'est un harf. Et pourtant, à la fin, on voit une kasra. Est-ce que cette kasra, c'est un khafd? C'est pas un khafd. Cette kasra, là, elle a été mise ici, exceptionnellement. Il y a arida, pour une cause particulière, qu'à la base, ce n'est pas sa place. Innama liajli tikasakinein. Parce qu'en langue arabe, tu n'as pas le droit de faire rencontrer deux lettres sakin. Et là, on a elle, qui est derrière le Hamzat al-Wasl, sakin. Et le noun du An, sakin. Donc on a une kasra pour le Wasl, pour la liaison. Anin Nas. Ou à la base, c'est An, An Nas. Donc là, attention. La takoul An, ism, limada, qui est khafd. Ou là, ala shaykh kharij anil hukm. C'est une chose qui est extérieure au jugement. Ça, c'est une exception. حتى قد تجد هذا في بعض الافعال كذلك وكذلك انا نطق شاهد منك على نفسك نفسك ليلي مجرور يعني كسر على فاه نفسك دخل عليه ماذا كون كي رونتري على يعني على من حروف الخفض فكل من الناس والضمير في منك والنفس اسماء لدخول حروف الخفض عليها هنا également منك كذلك الكاف لا c'est un ضمير متصل un ضمير qui est attaché min c'est un حرف جر donc le fait qu'il soit rentré dans le kaf ça prouve que le kaf là c'est un ism et le damair ça revient inchallah dans le kitab donc là on a dans le hadith ces trois asma par rapport à khafd wa huruf al khafd mais on en a d'autres on a nas ايش دخل في الناس ال صدقه ايش في صدقه تنوين et on a sharrak كذلك sharrak c'est un ism qui peut accepter ال il peut accepter le khafd وكذلك parmi les signes du ism là par exemple sharrak c'est باب الفايده on rajoute al mudhaf l'idafa la shar il est mudhaf et le kaf c'est mudhaf ilayh donc ça c'est min alamat al ism al idafa la takun li ma'a asma l'idafa le mudhaf ilayh c'est forcément deux asma le premier et le deuxième d'accord le mudhaf c'est un ism le mudhaf ilayh c'est un ism l'auteur ne l'a pas cité on le rajoute là قال ومن حروف الخفض احرف القسم لكونها تجر الاسم بعضها et parmi les حروف du جر حروف الخفض on a حروف القسم les حروف par lesquelles on fait un serment tu jures mais bien évidemment quand اخذ الحكم لا يحلف الذي الحليف يكون ب on jure par quoi Billah. Nahnu, la créature. Mais Allah yaksum bimasha, par sa création. Donc ces huruf, le qasam, elles sont le 3. Waou. Walba, wa ta. Wa sumiyat ahruf le qasam, lianna tadkhulu ala al-muqsam bihi. À la base, ces huruf, ce sont des huruf le khafd, huruf le jar. Mais elles ont une particularité. لا تستعمل الا عند القسم quand dit qasam c'est le halif fait de jurer مثال والله par Allah وتالله وبالله les trois on jure nous en français on traduit par Allah والله on dit par Allah تالله on dit par Allah وبالله on dit par Allah Un exemple au Coran, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusr wal asri Allah il jure par quoi par le temps donc là c'est quoi qui est rentré wa wa hasil ma dhakarahu min alamat al ism arba donc on finit par que le ism ses signes sont de 4 c'est-à-dire les signes al mazkura fi hadha al kitab en vrai c'est bien plus nombreux que ça isnatan تلحقن الاسم في آخره وهما الخفض والتنوين دو سين كي أباريس عين على فان دي مو كم لو خفض كي لا كسرة بسكي لا رمبلاس ou le tanouin. Wafnatan tadkhulan alayhi fi awwalihi wa huma al wa huruf al khafd. Et deux signes qui rentrent en début, c'est al qui entre au début du ism et huruf al khafd. طيب لو prend tamarin qui est après min bab tatbiq pour l'application. قال اقرا الآية الآتية ثم استخرج منها الأسماء مع بيان العلامات التي عرفت بها. Là, dans le verset, cite les noms avec le signe qui t'indique que c'est un nom. لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ أَيْنَ الْأَسْمَاءُ هُنَا إنسان. لماذا؟ أل. طيب. أحسن. أحسن. ما قبله حرف جر. حرف خفض. نعم. تكوين تنوين أحسنت نعم هذا هو الحاصل للإسم aujourd'hui on a pris 4 علامات pour le اسم et on a dit qu'elles sont bien plus nombreuses les علامات du اسم sont plus nombreuses là sont les 4 plus connues طيب ثم قال علامات الفعل pour le verbe ce signe قال المصنف في المتن والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتأديف الساكنة que le fi'l on reconnaît par قد قد حرف قد qui rentre dans le fi'l سين وسوف quand tu vois سين وسوف devant un كلمة هذا fi'l وتأديف الساكنة كمثلا جاءت هند قامت هند كتبت هند طيب قال في شرح بعد أن ذكر المصنف علامات الاسم شرع بذكر علامات الفعل وذكر 4 علامات إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها فعل دونك المصنف أسيتي ici pour le فعل كذلك des علامات 4 ils sont plus que 4 les 4 qui sont évidentes connues quand tu vois un de ces 4 là sur une kalima tu juges directement que c'est un fi'l ou que tu vois même si elles ne sont pas apparentes mais que tu vois que la kalima accepte ces علامات même pour le ism c'est pareil il se peut que tu ne vois pas ces علامات en apparence mais tu vois que la kalima elle accepte ces علامات tu juges en conséquence, soit c'est un ism ou soit c'est un fi'l. طيب اولا قد وهي حرف من معانيها التحقيق تدخل على الماضي نحو قول الله تعالى قد سمع الله وعلى المضارع نحو قوله تعالى قد يعلم الله. Donc قد c'est un حرف dans le sens de تحقيق qui confirme que la chose elle a eu lieu. Qui rentre dans le fi'l mardi el muzali'a. Mardi, exemple, comme a dit le musannif, qad sami'a Allah. Que Allah a certes entendu, a déjà entendu. Et dans le muzali'a, qad ya'lamu. Que Allah sait déjà. Donc le qad rentre dans le muzali'a, dans le mardi. Et également, il y a d'autres sens. Qad, qad est subimana, un takthir ou un taqlil. Un sens d'une chose qui est peu ou beaucoup. Par exemple, tu dis qad tajid fi hadha al-bayt qalam. Dans le sens, il se peut que tu trouves dans cette maison un stylo. Là, c'est mana quoi? Taqlil. Allez, taqlil derrière. Probabilité, mais elle est infime. Elle est petite. Et ça peut être le axe, taqsir. Quand tu agis fi hadha qalaman. Tu le comprends comment? بسياق الكلام. En lisant la phrase, tu arrives à déduire c'est quoi qui est voulu. Maintenant, في حق الله عز وجل, quand tu vois قد dans un verbe qui rentre et que le فاعل يرجع إلى لفظ جلالة, ça revient à Allah, l'acte, c'est forcément تحقيق. Il n'y a pas de تقليل. Quand tu vois قد comme في قول الله عز وجل, قد يعلم الله. قد يعلم الله, si tu vois que c'est Allah qui te parle de lui-même avec قد, c'est un تحقيق, c'est tout. Et قد, quand il rentre dans le مضالير في غير حق الله, en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, là il y a aussi du تحقيق. تحقيق, c'est dans le ماضي seulement. Dans le ماضي seulement. Quand il rentre dans le مضالير avec autre que Allah, il y a un sens de تكثير ou de تقليل. Ou une chose qui a beaucoup lieu ou peu. ومن معاني قد كذلك, que tu l'entends tous les jours. هل تدري? Tu l'entends tous les jours. قد. متى تسمع قد? كل يوم تسمع. لا. في غير القرآن. À quel moment t'entends قد? Tous les jours tu l'entends. Si tu fais attention, si t'es pas ghafil. Là. ايش تفعل خمس مرات في اليوم صلاه ايش تقول في الاقامه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه لا لو قد قد قامت الصلاه دي قامه ça sens du taklim pour dire que la salat est proche c'est ni taklil ni takfir ni tahqiq mais c'est taqrib pour dire que le temps de la salat il est proche قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. Donc, Qamat qui vient derrière, c'est un fi'al. Pourquoi? C'est un Qad qui est rentré. Et deuxième alamat, Qad Qamat. Il y a un tête à Adif, ce qui prouve également que c'est un fi'al. Mafoum Qad? Taïb. Alamat Thania, Assin wa Saufa. Wahuma, Harfa Istiqbal. Yakhtassana bil fi'al al-mudhali'a. Nahuqo lillahi ta'ala, sa astaghfiru. وقوله سوف استغفر. Donc le signe سوف, ce sont des حروف qui ont un sens de استقبال pour le futur. Donc ne sont liés que au فعل. Il n'y a pas de signe سوف dans un اسم abadan. Et il rentre dans quel فعل? فعل مضالع seulement, pas dans le ماضي. Si tu vois signe سوف qui rentre dans le فعل مضالع, ça indique quoi? مستقبال, futur. Comme dans le verset, ça استغفر. Je vais demander pardon. Wal farq bayna as-sin wa sawfa anna sawfa akthar istiqbalan min sin. Sawfa un futur plus lointain que sin. C'est un futur plus lointain que sin. Donc sin et sawfa, on peut les appeler harf tanfis. Harf tanfis كذلك. Deux harf qui rentrent dans le verbe pour lui donner un sens de futur. من عربات الفعل. ثالثة donc ça fait 3 qu'on a pris قد سين وصوفة رابعة وآخرة تأنيث الساكنة وهي حرف يدل على ان ما اسند اليه الفعل مؤنث وهي مختص بالفعل الماضي وتتصل باخره نحو قوله الله قوله تعالى قالت نملة ستة تأنيث ساتة ساكن avec le سكون qui vient à la fin du verbe. Quel verbe? الماضي فقط. ما معنى هذه تاء? Elle te démontre que celui qui a commis l'action de ce verbe, c'est forcément une chose qui est féminine. Ou qui prend la place d'une chose féminine. Ça peut être un féminin haqiqi ou un féminin hukmi. Un vrai féminin ou une chose qui prend le jugement du féminin mais qui n'est pas un féminin. L'exemple, قالت نملة. Une fourmi a dit. La namla, dans le verset, c'est le fa'il. Attention, qalet, ce ta-là, c'est un harf, c'est pas un damir. Contrairement à kultu, ou kulta, ou kulti. Ça, ça va venir, ce sont des dhamma, ce sont des asma. Mais ce ta-là, qalet, ça c'est un harf. Kathir ibn al-Nas ukhti fi hadha. Yajhal ta-ta anis, min bab al-dhamma al-muttasila. C'est khata. On va en parler dans le kitab, kazalik. Donc si tu vois un kalima à la fin, un ta'anif, comme ça, sakin, sache que c'est un hada, fi'l. Naam. Wa namlatun huna, c'est quoi namla? Naam. C'est pas la tarjama. Ay kalima, c'est quoi comme kalima? C'est un harf? Bon, pas l'arabe. C'est quel kalima? Namlatun? Ismoud, le ma'ada? Tanouin, ahsant. وحاصل ما ذكره من علامات الفعل أربعة. Donc quatre signes pour le fi'l. Elles sont plus nombreuses. كذلك. إنما ذكر المعروفة. واحدة مشتركة بين الماضي والمضارع. وهي قد. Un signe qui est commun dans le fi'l ماضي والمضارع. C'est quoi? قد. On fait le fi'l ماضي et le fi'l المضارع. اثنتان تختصان بالمضارع. Deux qui sont spécifiques au مضارع. وهما سين وسوف. وواحدة مختصة بالماضي. وان سين كي بروب سبيسيفيك في الماضي. ما هي تأنيث الساكنة. نعم. سين سي ان سين سوف سي اوت سين. Parmi les signes également du fi'l qawiyya, comme je le citais à l'instant, الضمير متصل تو تا تي توم. Ça c'est الضمائر tu ne trouves que dans le fi'l. ذهبت كتبت ذهبت كتبت ذهبت كتبت ذهبتم كتبتم غير ذلك. طيب تمارين. اقرأ السورة الكريمة التالية واستخرج منها ثلاث أفعال مع ذكر نوعها وعلاماتها. Dans le verset, on va lire le verset, tu dois en sortir trois verbes. Les ذكر, ensuite les علامات. Et quel genre de verbe c'est? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم جاء فيها ينعلم لا أكسبت أنتك جوز تقول قد جاء نصر الله مثلا. Tu peux dire Ja'at Indoun. Comme il a dit, même si tu ne les vois pas, est-ce qu'il accepte? S'il accepte, khalas. Taïb, Ja'a. C'est un fi'l ma'ada, Aïno, Ma'adi. Fumma, Ra'aïta. Aï fi'l ma'ada? Fi'l ma'adi. Wa min aramati yakbel? Damir Muttasil. Muttasil. Il accepte, il peut accepter sin ou sauf. Sauf et yatrouloun. Ou kod. Kod yatrouloun. Il accepte ces trois-là. Non. Taïb. Arsenta. On oukmil. Aramat al-harf. Maintenant le signe du harf. Très simple. قال المصنف والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طلبت ندي c'est quoi en fait le harf? C'est ce qui n'accepte ni les signes du ism ni les signes du fi'l. فقط c'est tout. الشرح ذكر المصنف ان الحرف يتميز عن الاسم والفعل بانه لا يقبل شيئا او شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال. Que le harf se distingue du fait qu'il n'accepte rien des signes du fi'l ni de ism. فإذا وردت عليك كلمة فأعرض عليها علامات الأسماء أولا فإن قبلت شيئا منها فهي اسم. Donc si tu vois une kalima, tu essaies de voir est-ce qu'elle accepte les signes du ism en premier lieu. Si elle n'accepte rien, ou plutôt si elle accepte un de ces signes, c'est que c'est un ism. فإن لم تقبلها فأعرض عليها علامات الأفعال فإن قبلت منها شيئا فهي فعل. Ensuite, tu vois qu'elle n'accepte pas les signes du ism, essaye les signes du fi'l. Si elle accepte les signes du fi'l, c'est que c'est un fi'l. Si elle n'accepte pas, c'est-à-dire ni les premières arabes du ism, ni celles du fi'l, ça veut dire que c'est un harf. Fakat. Un exemple, comme le relève le stipule, tu compares kha, jim, ha. Comment on les compare? Kha, c'est quoi son signe? Nokta, fok. Il est l'a'la, le point au-dessus. C'est le signe du kha. Jim, ma wa alamatu jim? Nokta taht. Ha, c'est quoi? Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de nokta. Fa naf se shay. La même chose entre le ism, le fi'l et le harf. Le ism, il a ses alamat, qui n'accepte que lui. Le fi'l, il a ses alamat, qui n'accepte que lui. Et le harf, il n'accepte ni l'un, ni l'autre. Aimta hada? Hada. Non. Ce qu'on a pris aujourd'hui, alamat al-ism, alamat al-fi'l, alamat al-harf. Le ism, on en a pris quatre. Dukhul el, tanouin, wal khafd. Et dukhul huruf jar. Et le fi'l, on a pris quatre. Qad, wasin, wasofa, wata'tanif, et sakina. Et le harf, on a dit que quoi? Qu'il accepte ni l'un, ni l'autre. Hadha wa darsuna al-yawm. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.